إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته avant nous venons avec nos sujets chers frères et sœurs détient-nous en concernant Ban Moussa Li plus précisément ou bien Ban les autres frères alentour Inch'Allah dans ma zid ici à partir lundi mardi le 7 janvier, Inch'Allah, à partir de mardi le 7 janvier, dans mardi et jeudi après Maghrib. Premier jour qui vous commencez, c'est mardi 7 janvier, mais seulement tous les mardi, jeudi, après Maghrib, jusqu'à Azan Isha, nous imams ici, veut dire Imam Rachid, il faut faire une leçon, quand on veut dire une leçon, en deux fois, nous appelons comme ça. Mais sinon, une de bonnes façons pour motiver un djimoun pour aider afin qu'il mémorise dernier chipara. Afin que sa personne-là mémorise dernier djouz. Ce qu'il nous appelle djouz amma. Là, concernant, veut dire, quand on commence à prendre enregistrement, Inch'Allah, à partir de l'autre lundi, le 16 décembre, après Isha, ou bien je donne un frère de comité, je quitte ce nom. Pour gagner le nombre, combien vous venez, et il ne faudrait pas oublier, chers frères et sœurs, que le chaque aïe qui me connaît en plus, c'est un daradia pour moi qui augmentait de Jannah. Deuxième annonce, je vais dire pour Azoudi, il n'a rien fait avec nous l'année, mais seulement c'est nos derniers jours les sons. Prochaine fois qu'ils nous vous joignent, c'est lundi, le 20 janvier. Lundi, le 20 janvier, toujours après Isha, et Inch'Allah, Isha Boko, 8h30. Ça, c'est défi annonce. Et d'ailleurs, quand vous terminez, nous devrez faire appel. Mais sinon, chers frères et sœurs, pour Azoudi, comment vous trouvez, qu'il est là-haut ou bien ici, nous allons vous servir tableau. Étant donné qu'Azoudi nous pourra réclamer, Inch'Allah, les 20 janvier quand nous continuons, nous devrons continuer avec nos bandes. Chers frères et sœurs, depuis le début, quand nous pouvons dire, parmi les actions, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est cité, qui nous fait troubler alentour de nous, c'est nous connaît. Ça, c'est une petite chose à faire, c'est un signe, c'est l'approche des jours Qiyama. Là-dedans, comment nous disons, il y a ce qui appelle un péché. Là-dedans, il y a venu comme un coup de la vie. Les gens nous guettaient, au fait, mais la vie, on ne va pas faire rien. Ou bien, il y a les vignes depuis une personne, mais seulement, l'action la pévine l'oli, pas nécessairement y a un péché. Nous reprenons un. L'action c'est un péché. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, parmi les qiyama intishari al-riba. Je trouve l'intérêt trop facile. Tout quelque chose d'intérêt. Pour arranger la case, pour l'étude, pour le business, tout quelque chose de motive pour prendre. Pour prendre l'autre. D'une autre façon, je te fais l'IACR, je te sens ce nom, je te sens cette structure-là, pas quand les enfants là finissent par cette ici. Non, depuis type qui même, je veux dire, depuis où fait gagner les enfants dans l'école maternelle, 3 ans, 4 ans, ils finissent bien ou la tête. Dire comme ça, vous donne 500 roupies pour moi. Pour ces enfants-là, il a 4 ans. Demain, quand ils gagnent 18 ans, ils donnent telle somme, les enfants-là apprennent. Les enfants-là apprennent. Depuis qu'il petit, il dit comme ça, un tel, il y en a tel nom, l'infini connaît, il vient un avocat. Donc, qu'est-ce qu'il est, comment ça? Comment on commence à lire, excepté qu'il plie devant, il donne une bonne facilité, le 30 ans, soit papa l'a payé, ou bien les enfants là aussi, comment il finit, comment il travaille, soit papa sorti, il continue. Mais c'est tout bonne façon. Mais ce qui est avec nous, c'est quoi? C'est qui? C'est une pour moi, c'est un qui que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait une petite chose haram, ne vous trouve que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit l'hypophané, excepté qui tu vas trouver un lacasse, un croyant, qui libéraux de rentrer là-dedans. Qui libéraux de rentrer là-dedans. Chef frère, demain, je suis capable de jouer avec un dimoun, il y a un bélier. Pas, comment nous finir, demain pour arranger sur la case. demain soi-disant pour faire une avance, ou bien une fausse compétition qui vient. Une fausse compétition. Je suis à Frandeo, je suis à un travail de gouvernement, les temps je commence à trouver mon collègue ensemble au moins, je donne le tour. Premier lapin, je vais vous gagner, je trouve mon trou le tour. Comment ça? Ou d'une autre façon qu'il est venu, c'est pas nécessaire. L'on a vint depuis la banque. Il vient depuis une compagnie qui au travail. Il vient depuis une compagnie qui au travail. Besoin d'être offert à moi, bon. Quand j'ai un bon travailleur, je veux dire, connais ton contrat pour être toi, quelle telle manière, ben, nous, de Dieu, il doit absent, qu'il de Dieu à l'autre la pays. Moi, verra moi compte qui au fait, l'une de moi, juste si pas un million, quand il vous tirez de 30 ans, l'une tient pas 2.5 avec moi. On va rester sentier. Moi, une femme, on gagne quelque chose à vivre. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, un pomme banque qui fait nous connaître qu'Yama puis rapprocher, c'est tout quelque chose où on trouve et n'a un intérêt à cacher. Veut dire, il est trop facile pour un kiken prend libre. Et attention, nous dire bien, nous soulignons, pas croire qu'il y a un imam, pas tout le monde, hein? Pas faire prendre responsabilité personne. Quand on vous trouve qu'il y a des gens qui comme ça, mais qui vous peut dire? Quand on dit qu'il y a un imam, il prend ça. Pas veut dire qu'un imam, il prend, il est halal. La loi dit, c'est pas imam, c'est pas Makkah, c'est pas Madina. La loi dit, c'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala et que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Attention, demain, ou dans Makkah, ou dans Madina, ou trouvez la banque qui peut servir l'intérêt du saint de l'Arabie, qui est arrivé. Quand il dit de l'Arabie qui est arrivé alors, il vient halal. Amen. Nous, la loi dit, c'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, ça qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Ça, c'est un péché. Deuxième, cher frère, quand nous fin dire, il vient de coup de la vie. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit 6, parmi les 5 qiyamah, là-dedans il dit « Ikhtiraba sizzaman » où vous trouvez les temps qui vite, costé un à l'autre. Les temps-là, elles vite. Vous verrez à nous, compte nous les 16 décembre aujourd'hui, dans 14 jours l'année sans eux. Vous savez où je pouvais l'année. Mais qui l'année, qui calendrier au servi à l'autre? Pour rendre le travail, vous dites aujourd'hui, nous les 17 ça part? Est-ce que vous dites ça? Ou bien vous dites aujourd'hui les 16 décembre? Et dans ce place qui nous visait être réaliste, nous connaissons qui calendrier nous peut servir, quand on peut dire l'année, sans doute, j'avais mon nom, sans doute, ou peut dire décembre ou l'année, hein. Mais être réaliste, quand on peut dire l'année, c'est l'année qui nous servit, donne-nous la vie tous les jours. Chers frères et sœurs, il y a quelques temps de cela, comme il y a 10 mounes qui peut gagner un tracas, l'an 2000 peut coûter. Il y a 14 ans depuis que je dis ça. Il y a 14 ans depuis que je dis ça, causé là. L'an 2000 peut coûter. Qui peut arriver? 14 ans, multiplié pour 365 jours. Combien de jours de mon vie il n'allait à l'os? Combien de jours de mon vie il finit à aller? Combien de temps de mon vie il n'allait? Mais seulement le temps que vous êtes là en 2000 avec Castella. Quand c'est que ça monte seulement? Quand c'est quelque chose monte? Les temps. Mais seulement quand on vous dit, est-ce que c'est un péché quand le temps vient à lui? C'est un péché. C'est le coup de la vie la même qui vient comme ça. Ou quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, concernant Bandimoun, à l'exemple d'une madame pour être somichée de travail, plus précisément de business, c'est pas une mauvaise chose. Comment nous dire, dans la paix, la voilà avec un autre, vous donnez mon madame. Dans la voilà avec un autre, vous prenez mon la famille. Mais c'est le bon, les temps qu'on parle avec auparavant, qui, une madame, lui participer pour ce type de business. C'est une vignette, aujourd'hui, ce n'est pas un péché. Mais seulement, par la cause d'un si, qui a nous pensons qu'il y a un péché. Au contraire. Et là, il y a un petit client qui montre nous que ça dit mon imam. Oui, chers frères et sœurs, c'est ça qui est avec nous aujourd'hui, avec un coin d'autre si, mais avant tout, nous commençons d'une autre façon. Bismillah. Chacun parmi nous, nous connaît qu'il arrive un moment de dormir. Et parmi nous, quelque chose qui frappe nous dans le sommeil, c'est nous rêver. Rêve, chers frères et sœurs, ce n'est pas une petite chose qui est naturelle, comme on nous dit, on dirait, mais quand dormir, arriver ou rêver. Il n'est pas comme ça. S'il est naturel, Allah subhanahu wa ta'ala parti pour servir un moyen pour lui donner l'autre sur un prophète. C'est un des moyens qui Rabbul Alamin fin servi, ça qu'il nous appelle Wahi, lui donne l'autre sur un prophète qui vise un pire. Quand nous guettons l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, il vient avec ce garçon, il dit « Inni ara fil manam, mon trouve dans mon sommeil, an asbaho, mon bekoub toliku. » Réponse ce garçon, « Ya abati fralma tu'mar. » Oh, mon papa, fais ça qui te fait gagner? Te fait gagner l'autre. veut dire, et l'autre, ça va faire, je ne sais pas, Sommeil, tu veux me raconter, tu veux me raconter moi. Non, non, non. Donc, ces enfants-là, ils me connaissent, qui rêvent ce papa en tant qu'un prophète, c'est un autre. Un autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, c'est pas prendre nos rêves, on dirait, mais le sommeil, il est venu, ça nous rêver, il va comme ça. Ça, pour un quelqu'un qui prend tout quelque chose de la vie, va dire non. Mais nous, nous connaissons en tant qu'un croyant, chaque seconde, chaque étape, chaque situation qui passe dans mon vie, est attaché avec mon rencontre et est attaché avec mon dîme. Rêve, chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est de son habitude. Quand il finit faire salat fajar, namaz fajar, quand il vire, il est son compagnon, il dit manjot. Ça vient faire rêve pour mes yeux. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala finance un lit, il interprète son compagnon, je trouve. Le hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, rapporté par Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam virait après Fajr et il dit à nous, ça n'a pas mis autre qu'une peine rêve. Tout ça va bien rester tranquille, veut dire personne ne peut rêver. Dès là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, mais moi, mon peine rêve. Laisse-moi raconter, je te lis. Et il y a une différence entre c'est l'île rêver, banane rêver. Définitivement. C'est l'île rêver, c'est quoi? C'est Wari, la loi d'île. Mais si ça va bien rêver, l'île rêver. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est qui un rêve qu'on nous fait? Ce n'est pas une petite chose qui voudrait nous connaître l'esprit aller. Et là, quelque chose attaché avec nous, dit là-dedans. Sinon, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il vous donne l'importance pour écouter ce bon compagnon, je trouve. Il va vous donner de l'importance. L'histoire de Youssouf alayhi salam. Ce deux compagnons viennent avec lui de prison, qui viennent du Mani. Je parle même du Mani qui fait de venir de prison. Mais seulement nous ne trouvons pas pour une bon du monde, mais mon fenêtre, est-ce qu'il est capable d'interpréter ça pour nous? De là, nous pouvons trouver qui, depuis à l'époque, lui fait venir même, qui ça quelque chose qui appelle rêve là, chers frères et sœurs, ce n'est pas un dimoun qui est mal de homie, ou bien un dimoun qui ne sait pas quoi, lui qui rêve là. Non, un rêve excepté divine, depuis, point, point, point, point. Qui fait nous dire point, point, point, point? Parce que la loi dit ni comme suite. Un dimoun, son rêve, chers frères et sœurs, il attache de trois façons. Un, c'est un rêve normal. Une journée, mon travail, c'est un code document, moi mon saut d'amas, je me disais continuez, pour mon dormir, mon brevet. Document. Et puis, c'est normal ça. Depuis grand matin, ou bien depuis samedi, dimanche, lundi, moi quoi avec ça, comme ça, là, le demande de. Comme quand arrive l'intervalle d'examen pour l'écouter, dormir, les c'est quoi l'examen? Si toi, il fait réviser, quand il y a le dormir qui va arriver. Ça va un rêve normal ça. Ça va un rêve normal. Il comptait d'ordine, de quelle façon, il n'est pas pour ni affecter ou ni faire aucun du bien. Ni comme ça. Deuxième, chers frères et sœurs, ça qui vient de rêve en du monde, c'est ça qui nous appelle un mauvais rêve. Et ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit direct, il vient de bouche à l'éton. Mais là, nous avons des cris qui appellent un mauvais rêve. Oui. Parce qu'un adimoun n'est capable de penser, dire au moins, ah, je m'en fais un mauvais rêve aujourd'hui. Qui t'en rêve? Mon rêve, mon père dit mon cas. Ok, nous avons dit d'un sens. Si ton père dit ton cas, est-ce que c'est un mauvais rêve ou bien c'est une petite chose qui, si demain y arrive, toi, c'est un test depuis Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal. Nous vous testez eux pour la faim, pour la prière, et nous vous disons d'autres cas. Et nous disons d'autres cas. Un mauvais rêve d'ordine, chers frères et sœurs, c'est un rêve qui développe une prière dans sa dimouna pour empêcher de faire une bonne action. Développe une prière. Plus précisément, nous prenons les directs. Ça qui donne nous dîne après un mauvais rêve, c'est quand il rêve, les chiens. Les chiens. Et plus précisément, les chiens noirs. C'est quand il rêve, serpent. Ça qui nous appelle mauvais rêve, d'ordine. C'est quand il rêve, toilette. Et quatrième, quand il rêve, du sang. Ça, quatre petites choses. Un, quand il rêve, les chiens. Plus précisément, les chiens noirs. Bon. Le basant l'eau, les temps. Sinon, si tu vous permets, j'en suis allé terminer. On connaît ça qui on dit à mon rêve. Libre, il est possible. Mais seulement basant l'eau, les temps, si je trouve une diamant, une seule cause, ça va là mon rêve, mon cher. Nous reprend. Un, c'est les chiens, plus précisément les chiens noirs. Deuxième serpent. troisième toilette. Quand on peut dire toilette, sorry, chers frères et sœurs, il est dans quand on peut dire toilette, plus précisément, toilette même. Pas la place, mais l'action. Et quatrième, c'est distance. Quand une personne fait rire sa bonne petite chose-là, ça qui a fait un mauvais rêve dans la vie. Oui, il est possible de même, on fait un rêve, on trouve un perdu dans la forêt, on perdu dans une place, on tombe dans un précipice. Ok, il fait un ennui, ça. Il a un rêve, il vient comme ça. Mais sa bonne petite chose-là, la connaît, et n'a quelque chose pas bon. Qui fait? Parce qu'il est chez nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître quand il est chez nous, pas devant nous de son lac. Il casse nous la main parce que c'est un? C'est un shaitan. 10 ans. Toilette. Et même si un pan, nous vous trouvons qu'il s'est banni quelque chose sur un précieux qui est attaché à une action qui annule Rasoul. Nous trouvons qu'il s'est banni quelque chose qui, quand il vient dans la tête, un dimon n'y pour éloigner. Un dimon est dans Rasoul. Vous comptez ou pas comptez, vous dire qu'il est dans Rasoul, il n'y a qu'il n'y a pas pour faire. Donnez-moi dans Rasoul, au moins là, ça l'aime au Rasoul cassé. Il préserve pour Allah, oui non. Il préserve lui. Mais un dimon qui vient dans Rasoul. Ça même dit monde, ce Rasoul cassé, allez Rasoul, il finit cassé, allez, allez, allez, quittez dans mon Dieu. Vous voyez, Rasoul là, pour Allah, il y a une protection pour lui, oui non. Donc, le temps nous guette sa bonne action qui peut venir de ce rêve-là, c'est bonne petite chose qui, ne pas dire qu'il casse oiseau plus précisément, mais seulement c'est bonne petite chose qui, quand il vient depuis un dimoun, il vous fait éloigner depuis, bonne bonne action. Donc, quand nous guette sa casse petite chose-là, chers frères et sœurs, la loi d'une retourne là. Ça, dimouna, il fait le mauvais rêve. Et non pas, si pas nous rêver à cette deuxième étape qui vient concernant le mauvais rêve, c'est mon rêve, mon enfant, il fait. Ok, reste tranquille. Reste tranquille. La loi dit, dis-nous, quand nous rêvons, comment nous finissons le premier coup. Mon rêve, mon café, il perd. Pour dire, mon là, il reste tranquille. Ensuite, qu'il est pire. Il vient se figuer à côté gauche, il crasse trois fois. Tout. Trois fois. Il vient se figuer à côté gauche. Pareil, comment quand nous perdons sa lame dans son lac, dans la marge. Nous viens à côté droite, ensuite, nous venons quoi? Côté gauche. Quand un quelqu'un, il fait un rêve. Ses enfants, ils font, mon rêve, mon la case, ils du fait. Pas raconter, reste tranquille. Reste tranquille. Mais seulement avant, ou lever, ou net bien, ou figuer à côté gauche, ou crasse trois fois. Tout, tout, tout. Trois fois. Ensuite, les contraires de ça qui nous fait, quand nous fait salam dans la main. Veux dire, me prendre depuis côté gauche, me vine d'un côté droite, en même temps. Me dire, A'oudhu billahi minash shaitani rajim. Me viens, me figuer à côté droite. Comment me faire dans la main, assalamu alaikum wa rahmatullah, me prendre en droite, me vine de gauche, chers frères et sœurs, comme me faire un rêve. Comment ça qui nous finit de citer là, veut dire, c'est pas mon rêve, mon enfant, il fait, mon rêve, mon père, je place travail, mon rêve. Ça m'a une question là, veut dire, il ne reste pas qu'il m'a la tête là. Il ne reste pas la tête. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui l'enseigne nous, me guette côté gauche, me casse trois fois. Tout, tout, tout. A'oudhu billahi minash shaitani rajim, et me pas raconte ça. Personne, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous la garantie, chers frères et sœurs, ta papa arrive nous non nier. Fais-nous un petit glacé d'oli. Fais-nous un petit glacé d'oli. Mais dis ça, chers sœurs, on a pour jouer avec nous, lui. Qui fait? Parce qu'une fois qu'il m'a la tête fatiguée, c'est une prime, je vous dis. Les enfants ont fait le résultat de l'année janvier. Les gens m'ont pensé, est-ce que vous avez un marginal là? Il y a chers sœurs qui ont joué au moins là. Si vous avez pensé, vous avez un bon tracas là. Au fait, mon papa a réalisé mon bégaye tracas qui sort partout dans mon ami. Parce que j'en voulais finir écrire, papa vient de finir aller. Est-ce qu'il m'a fait sens quelque chose là? Chers frères et sœurs, les temps nous guettent, le résultat là c'est quoi? C'est qui, cher Tron, peut faire moi éloigner avec la pensée d'Allah. Ça, c'est lui. Il vient éloigner du monde en croyant avec la pensée d'Allah. Donc, ça dit, mon là, il met cette action là, chers frères et sœurs, être sûr. Pas moi qui vais donner nous sa garantie là. C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Si mon père ça, dit tout, il va voir. Affectez-moi. Dit tout, dit tout, dit tout. Si le mot prophète, il me dit moi ça. Et moi, il y a croyance là-dedans, chers frères et sœurs, qui risque mon père à l'os. Est-ce que moi, je vais trouver ça un mauvais rêve? Ok, moi, je vais lever, je vais trouver ça, je vais casser trois fois côté gauche. Je vais chercher protection avec Allah contre Chaitan. C'est fini. C'est fini. Quand on dit que ça banne les autres qui nous disent mauvais l'avenir. Qui fait, chers frères et sœurs, parce que c'est l'autre casse-là qui comment nous dit, là, il vient d'un mauvais rêve, parce que ça casse-là est une relation avec Shaitan. Donc, une relation avec Shaitan, en d'autres mots, soit, Dimouna qui nous touche avec misier, soit jalousie, soit directement la sorcellerie. C'est ça, Dimouna qui vous fait, ça casse des rêves-là. Donc, nous pas dire, pas dans nos sujets, mais concernant un dimon qui comme ça, qui est lié à lui-même. Mais dire, il y a Ayatul Kursi, il y a Suratul Fatiha, il souffle dans son âme et il pas senti sur les coups. C'est tout. Pas besoin de dire, c'est pas qui s'en a, c'est pas qui imam, ça qui est. Non, ben là, vous, en tout. Est-ce qu'il ou pas connaître Suratul Fatiha? Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu dis que son compagnon, comment tu connais un chifa ça? Chef frère, c'est qu'il finit, il finit Suratul Fatiha. Lié Suratul Fatiha, Ayatul Kursi, deux derniers ayats de Suratul Baqarah, trois coules. Saman Surah nous pas connaît, Ali, guette de Quran. Ensuite, soufflez de nous la main, pas souffler les, hein. Attention, parce que beaucoup de monde, même avant Yal de Omi, quand ils lient, bien attendant, ça laisse les qui se outil. Les partiens d'ordine. Nafa, ça veut dire, ça, un petit lacasse se outil. Dimoun a soufflé de sous la main, il passe lit, il se l'écho, c'est tout. Ça, c'est le deuxième rêve, qu'un Dimoun fait. Au troisième rêve, cher frère et sœur, c'est un rêve qui, ben Dimouna, quand il est fait, il va jusqu'à vrai ça, mais il y a une contente, moi. Et ça, il vient depuis Allah. Bon, à ce qu'on ait un contentement, de même au lever, je trouve un gars le tout. Un des quatre. Mais non, c'est un gizou haram, malin. C'est un gizou haram. Donc, quelque chose qui te fait trouver, fais-toi content là, il faut dire que ce qui est halal dans l'île. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, un croyant qui vient faire un rêve, qui vient amener un contentement dans l'île, c'est un rêve depuis Allah. Qui lui raconte ça, Bandimoun, qui va vous jalouser? Après, vous dites, comment vous connaissez ça qui jaloux moi, ou ça qui pas jaloux moi? Mais pas raconte personne à l'os. C'est simple. Pas raconte personne. Parce que si vous me parlez douter, ça qui est jaloux moi, ça n'a pas le cas. Est-ce que vous connaissez un Dimoun? Donc, si vous connaissez, il y a un frère, moi, il y a une soeur, moi, tenez, quand on fait un joli rêve, on vous raconte ça. Ok. Qui fait, vous raconte ça, plutôt jaloux moi? La cause, vous connaissez, c'est un rêve depuis Allah. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait un conseil nouveau pour raconter. La cause, ça m'a fait, raconter. Ça, c'est trois rêves. Ce que nous peut dire cela, chers frères et sœurs, parce qu'il parfois arrive nous à faire une bonne situation de nous la vie, comme on peut dire, moi, j'ai mon désarrivé ça. Il me désarrive, moi, ça. Moi, j'ai mon désarrivé là. Mais pourtant, première fois là. Calculez. Pourquoi de rêve ça? Veut dire un rêve qui m'ont fait, chers frères et sœurs, m'ont trouvé réalisé. Un rêve qui m'ont fait, qui n'a pas personnellement le moi, je trouve ça rêve-là réalisé. C'est mon prophète, c'est ça. Non, on va pas presser. Ou d'une autre façon, vous êtes capable d'un rêve, une petite chose, qui, un exemple, mon rêve, m'ont trouve beaucoup, du monde mot devant moi, ensuite, puis devant, on ne trouve pas. Pas qu'on est dès le temps de taper, c'est comme ça. On est effectivement, disait 11h, on a téléphoné, j'ai un accident, c'est le même de cette manière. Cet accident-là, moi, le matin, il y a 3 jours, ou bien grand matin, ou bien. On fait le rire comme ça. Puis, il me commence à balancer, ça se tient. Qui vient arriver, moi? Qui vient arriver, vous ne pouvez pas venir voir, il n'y a rien, là, pas besoin d'ouvrir, restez la pierre. Ça qui peut arriver, c'est ça qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, chef professeur, hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, parmi ban sin qiyama, parmi ban sin qui fait nous, connaît jour qiyama pour rapprocher, lam yakud ru'yatul muslim yukzab. Rêve incroyant, dit pas pour mentir. Mais c'est le point qui est vrai. Parmi ban sin qiyama, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai nous, chers frères et sœurs, parmi bansin qiyama, c'est qui rêve un croyant. Attention à dire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il attache quoi avec lui? Mu'min, un croyant. Ce ban rêve qu'il y fait, pas, que, mon rêve ça, la prépare aux autres. Non, pas comme ça. C'est qui, au fait, il rêve une d'autre, Lili. Ensuite, l'action prend place après un jour, après 2 jours, après une semaine, le temps de guetter. Mais moi, tu rêvais ça. N. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pan dianou, al dire, vous connaissez mon rêve ça? Non, pan dianou ça. Dis ça qu'il dianou, ça c'est un signe qui te na iman. Ça c'est un signe qui sa personne là est na iman. Qui fait? Parce que, chers frères et sœurs, comme un rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître des hadiths. N. Parmi ban signe qui fait nous connaître fitna, pour venir beaucoup, c'est qu'un dimoun grand matin, il est même croyant et il a dormi, kafir. Mais dire croyant pour tigit, pour arriver à l'époque, oui, non. Ou quand trouver un dimoun musulman, mais pour trouver un dimoun croyant, il faut chiquer tu es frère. Est-ce qu'il y a une indifférence? Oui, il y a une indifférence. Ou quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Bada al-Islam ghariban, fasa yahoudou ghariban. L'islam fin commencer drôle, il vous retourner drôle. En d'autres mots, ban croyant pour bien tigit, chers frères. Ban croyant pour bien tigit. Donc, parmi ban qui vous récit, fait sa rêve là, je pour bien tigit. Si demain, mon passe là-dedans, veillez ça qui mon rêvé, mon trouve puis arrivé. Ou bien deux, trois fois, il arrive moi. Chers frères et sœurs, être sûr, digne, pan, PM, et nous, pour nous faire connaître. Ah, yo, mais ça, mon rêve, il arrive ça. Non, non, non, ça, on va dire pour vous. Juste ça qui me fait nous connaître, si je me trouve moi là-dedans, un jour, réellement, je vais dire, arriver à l'os. Et déjà, c'est un signe qui m'a iman. Lorsque, sallallahu alayhi wa sallam, comme écoute, parce qu'il y a un dimoun, il est capable, les chétans embêtés. Mais tu avais trouvé trois fois ton rêve inarrivé, mais trois quatrième fois, amen iman, t'as pas arrivé. L'État dit rêve quatrième fois. Il commence sa croyance l'aucune vignée à faire. L'autre qui Allah pour décider pour arriver ou bien c'est l'autre qui vient rêver. Ça qui doit arriver, il est là. Donc c'est pour ça, un dimoun, quand il passe là-dedans, chers frères et sœurs, il reste loin. Donc un parmi bantin qui est avec nous à Zodji, c'est quoi? C'est qui? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam met ni clair. Parmi bantin qiyama, c'est qui ban croyant, je peux faire ban rêve, qui jamais pour mentir. Ça qui chose là pour arriver. Ça c'est un signe. Quand demain puis arrivons ça, qui m'en croyant. Alhamdulillah. Et déjà, chers frères et sœurs, fan, diamant raconte les autres. Dis pas pareil que moi ça bon rêve là. Bon rêve, il y a un contentement dans moi. Celle-là, mon trouve, Pella arrive devant moi, je ne peux pas dire, étonné, et pour moi, enfin, pas genre de pour moi, mais Allah connaît seulement. Je fais rêve ça. Il y a des jours, mon rêve ça, que Dieu arrive ça. Non, non, non. Parce qu'il va nous dire, Shaitan à la longue, pour jouer avec sa dimoun-là, à la fin, qu'il peut arriver. Comment lui rêver? Il peut arriver ça devant de la semaine-là. Hein? Mais comment tu es capable qu'on rêve, toi? Comment tu es capable qu'on rêve? Dieu de ton rêve? De nos rêves, non, cher frère. Un croyant qui ne passe pas dans les gosses, ça dit pour lui. Ça haine. Déjà, un premier bantin qui est avec nous pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est un des bantins de choses qui nous fait troubler la réalité. Je vais vous dire la table, c'est quoi? C'est écrire. Écrire. Écrire quoi? Écrire un bantin de choses concernant l'île. Oui. Je n'ai qu'à dire oui, il y en a qui m'ont écrit la gazette. C'est vrai. C'est pas un bantin qui a ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les signes qui, Kiyama, peut rapprocher, c'est que je vous trouve beaucoup de monde écrire concernant sa vie. Qui moi nous tout là-dedans là? Mais quoi nous dire, est-ce que c'est un mauvais signe? C'est pas un mauvais signe. C'est pas un péché ça. Mais seulement l'action peut prendre place, oui ou non. Combien de livres concernant la vie nous trouvons? Zis prend le livre. Combien de livres concernant comment faire un amas exister dans Maurice? Combien? Ça fait une écrire. Il est bon, alhamdulillah. Mais c'est moi prendre d'une autre façon à se dire. Combien de pamphlets tu trouvais tous les vendredis? Combien de tableaux de bonne masjid remplis? Quand nous guettons, j'avais bon Dieu, pas guetté comme ça. Des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une époque, quand il fait causer, il fait dire là, pas écrire ça qui m'a causé. Écrire juste le Coran. Mais ce que l'islam a commencé là. Ensuite, l'un des autres, ok, je suis capable d'écrire. À l'époque qui tu fais écrire juste pour un hadith. C'est à l'époque-là, il vini, chef presseur, à Zodio, pour chacun est dans ce pamphlet, chacun est dans ce place sur la gazette pour y écrire, chacun est dans ce livre pour y tirer, chacun est dans ce sujet pour y... Il y a les mêmes, merci. Il y a les mêmes. Sans qu'ils nous rendent compte. Chef presseur, c'est un pomi mansin qiyama. C'est un pomi mansin qiyama. Que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire un hadith rapporté toujours pour Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui est de bande qui je trouve si qiyama. Veut dire à la fin, le monde, c'est que je trouve beaucoup de monde écrit concernant l'île. Kathratul kitaba wa intishariha. Beaucoup de monde pour écrire et ça pour faner pour Dieu. Veut dire beaucoup de monde pour que ça soit écrit là. La question posée, de qui relation il y en a? Au fait, ce n'est pas écrit là, tiens, chef. Ce n'est pas ça, Dimoun qui écrit là, ce n'est pas ça, quelque chose qui peut partager là. Mais c'est une autre petite chose qui tient. À l'époque, quand tu n'as dit, Ayat Quran, Hadith, c'est écrit là. C'est dit. C'est la première Sahaba. Beaucoup. Imaginez-nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ziz de ce hajj, tient à 140 000 sahaba qui accompagnent pour hajj. 140 000. Si nous comptons qu'il m'a dit ma cabane, qu'il m'a dit la guerre, etc. Mais combien de sahaba tient à l'os? Ziz de ce hajj, tient à 140 000. Environ 140 000. Vous dites combien de sahaba tient à? Est-ce qu'il nous tente de sacrer une chaîne bouquin? Une chaîne lise? Tiens, c'est quelqu'un qui veut écrire Ayat Quran, Hadith, mais seulement la loi d'Ine qui prévaloit, oui ou non. Je tout ce qu'on se dit, oui ou non. Aujourd'hui, qui nous trouve? Tout ce qu'on a des livres, ce qu'on a la gazette, ce qu'on a des pamphlets, tout la loi d'Ine, je tout connais, mais seulement l'action côté. Ça qui s'écrit à Malafia. En deux mots, ça qui reçoit, sallallahu alayhi wa sallam, peut nous connaître, c'est qui tout du monde pour gagner la loi d'Ine, pour dire. Mais seulement, est-ce qu'il faut prendre compte? Combien de fois, comme on saute de ma zid, on gagne une pamphlet, comme on dit, haram, vous connaissez haram. Vous pouvez dire Peter, vous pouvez dire, vous connaissez un enfant, ça non. C'est qu'aux autres, là, il pleurait, là. Là, où passe les années, il pleurait. Mais tu veux rentrer là-dedans, malin. Tu veux rentrer là-dedans. Combien de temps tu pourrais accepter tes petits enfants plaisir? Comme Nina, comme ça, cher frère. Védier, t'as mon guetté, mon lire, mon connu. Mon nom est connu. Comme on rentre dans ma zid, on trouve inécrit, Noël, volume Noël, etc. Tu m'as avancé combien pour minuit pour le droit à cause. Dis bien que ça là. Mais seulement, chers frères, nous sommes capables de dire que ça, la loi là, pas rentre de nous la case. Mais la loi là, sur les contraires, peut faire de nous la case, oui non. Ça qui tient là. Ce n'est pas écrit. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, Kathratul Kitab wa Antishadiha, il y a beaucoup de monde qui peut écrire la loi d'Ine. Et ça pour Fanny, ce n'est pas ça l'action-là qui tient. Mais en d'autres mots, la loi d'Ine reste Fanny entre les mondes, oui non. Blier les mondes, c'est que de moi la case. Comme il faut en fait mon amené. Comme il livre mon assez. Moi, j'ai complète Bukhari la case. Moi, j'ai complète Ibn Kathir en anglais de moi la case. Alhamdulillah. Mais seulement, est-ce qu'il m'a resté lié pour connaître qu'il y a la paix de mon adieu? Est-ce qu'il me permet en pratique, comparé avec un de l'époque qui existe quelqu'un peut écrire pour un hadith, mais seulement cette action qui est vivant, oui non. Mais Azodi, ça c'est le deuxième signe qui est avec nous, chef. Deuxième signe qui est avec nous, c'est qui nous trouve beaucoup de monde écrire la loi d'Ine. Alhamdulillah. Mais seulement, gravité la vie, c'est lui qui ne recevoit ça. C'est lui qui ne recevoit ça, l'inili. Est-ce qu'il reste maintenant en pratique? En d'autres mots, la loi dit n'a pas le portu, chers frères et sœurs, mais pour mettre en pratique, dit mon pour le avec lui. Troisième et dernier signe qui est avec nous pour aujourd'hui, ça l'année là, jusqu'à que l'autre année, Inch'Allah, nous joigne, va nous venir lundi des 20 janvier, c'est un de bonnes actions toujours. Nous vivons, mais seulement, nous pas dire, nous louons avec Dine, loin de là, mais seulement un manque de connaissances concernant nous Dine, nous pas réussi à réaliser qu'il est possible, ça c'est un signe réellement. Chers frères et sœurs, beaucoup de fois nous témoignons. Beaucoup de fois nous témoignons. Mais seulement, nous prenons les comptes, c'est une fois pour l'année. Une fois pour l'année. C'est quoi? La ligne Id. Au fait, si nous guettons nous Dine, si c'est la ligne, ce n'est pas la ligne Ramzan, la ligne Id qui a eu le problème pour lever la ligne Id. Mais la ligne Muharram, tu vas discuter parce qu'il y a Rosa pour Gordine Id. La Sénat, tu vas discuter. Qui veut, tu vas discuter tous les années parce qu'il y a 13, 14, 15 pour Gordine Rosa. Parce qu'il y a toujours 14, 15, 16 mois. Donc, on discute tous les mois. Donc, étant nous guetter, chers frères et sœurs, le sujet de la ligne, ce n'est pas un sujet, on dirait, Ramadan, parce que c'est là. Bon, tu as dossier la ligne, tu as dossier TK, tu as dossier Tarawi, allez, pose-le à la table. Nous commençons. Oh, tous les années, il faut aller pareil. Question la ligne, chers frères et sœurs, c'est une question sans aucun doute attachée avec nous, dîmes. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et alhamdulillah, le doigt qui nous vient prendre, quand il vient montrer nous qu'il nous trouve la nouvelle ligne, qui doit nous lire? Qui doit nous lire? Arrête, il y aurait mon premier filier qui m'en a trouvé. Donc vous vous demandez, malade, mettez de la glace. Mettez qui va arriver, toi, c'est-à-dire. Mais ce n'est pas le premier figure qui te guette quand on trouve la ligne qui va me donner et te malir. Mais ça qui te demande Allah subhanahu wa ta'ala concernant ça la ligne. Mais ça qui concerne nous, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est combien de fois quand on se retire, qu'est-ce que ça? La ligne de ça de voir, c'est la ligne des ours. C'est la ligne des ours. Comment on est dans ça? Bah, même bien dit, adolescent, on trouve la ligne. Ok. Comment on est dans ça? Mais seulement ça qui m'a fait connaître, c'est qui hadith, Anas radiallahu anhu, fait nous connaître, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam finjir, de hadith qui trouve dans Al-Awsat, qui pour arriver à l'époque, que Jimoun, quand vous trouvez la ligne première nuit, lui pour paraître, comment dire, la ligne de la nuit. Gardez-vous comme ça, vous faites un geste. Vas-y, ou quand on peut trouver les premiers la nuit, même cher frère. Mais seulement ce gros cercle, comment il vient à faire? Il vient à l'idée la nuit. Gardez vous comme ça pour faire un petit geste. Aujourd'hui, nous avons discuté, tu vas trouver ça dans la ligne de nuit, ça. Intérieurement, aujourd'hui, les premiers là. Mais non, c'est un premier qui est ça. C'est un premier qui est criant, cher frère, sœur. C'est qui, comme on guette la nouvelle ligne, me trouve-lui paraître? Me trouve-lui paraître gros. Passe à la ligne, mince! Qu'il entend et je vais trouver là. Est-ce qu'il nous reste à trouver ça, c'est-à-dire? Est-ce qu'il nous reste à trouver ça, c'est-à-dire? Ça a la ligne mince, comment longtemps, machallah, quand vous êtes là, excepté qui vous trouvez. Vous trouvez un petit plus gros ou bien un petit plus là-haut. Chef, c'est parmi ban précision, parmi ban prédiction, parmi ban parole qui montrait nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était un prophète. Dans une époque pareille, 1435 ans de cela, il dit à nous sa parole-là. Pour arriver à une époque, quand du monde pour être la ligne, je vous dis, ça la ligne de la nuit, ça. Et au fait, la lune, comme la nuit, ça. Une seule la nuit. Chers frères, nous devons vivre, à aujourd'hui, oui, non. Excepté qui nous veut vivre. Est-ce qu'il nous veut croire, jour, il y a mal loin. Comme nous, alhamdoulilah, nous devons guetter, nous apprendre, nous devons, nous finissons moins tout. Excepté ça, quelqu'un qui presse avec nous, à partir lundi, le 20 janvier, Inch'Allah, chers frères et sœurs, sans compter qu'à partir de là, nous prenons avec ban grandir. Et quand nous pédia ban grandir, pédia nous commence l'eau, soleil vive d'un côté l'ouest, ensuite, il enchaîné avec les animaux, qui vous sautent de marca pour cause avec ban d'imoun, gog et magog, etc. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmarin, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.